Alors, je préciserai juste un détail, non pas des, mais de, parce qu'on ne peut pas généraliser cet engagement républicain. Je vous remercie tout d'abord de votre accueil. Je suis désolée de ne pas avoir assisté aux échanges d'hier et de ce matin. Je suis désolée, mes engagements professionnels ne me permettaient pas d'être avec vous pendant toute cette durée. L'image du cabaretier républicain a largement été diffusée par la littérature, discutée, remise en question depuis. Pour autant, même s'il y a eu cette remise en question, c'est de ces aubergistes républicains, certes non les plus nombreux, ils ont existé, ils ont eu une activité politique sous la Deuxième République et sous le Second Empire, mais cette activité, notamment dans les campagnes, reste relativement peu connue. Les traces sont très ténues et c'est sur cet espace rural que j'ai essayé de me concentrer. Lors de ma thèse, j'avais donc une thèse sur l'arrondissement du Frein, comme l'a dit Yann. J'ai essentiellement des communes rurales, il y en a 134. Et parmi ces communes rurales, je retrouve un certain nombre de cafetiers, cabaretiers qui ont exercé des fonctions municipales. Or, à travers leur engagement à l'échelle municipale, ou leur élection à l'échelle municipale, eh bien, des connotations et des annotations politiques à leur égard sont faits, et donc ce sont sur celles-ci principalement que je me suis appuyée pour aujourd'hui. Et en même temps, cet angle de l'institution municipale est intéressant pour faire ressortir ce qui, sous le Second Empire, passe très souvent sous silence, des engagements politiques. Cet angle de l'institution municipale, c'est d'abord d'identifier les édiles, donc ces cafetiers et cabaretiers. Leur identification est très sous-estimée, parce qu'en réalité, l'identification professionnelle des édiles repose avant tout sur des dénominations professionnelles qui sont signalées à l'administration et l'importance de la pluriactivité associée au statut très recherché de propriétaire tend à réduire la connaissance du panel des activités professionnelles. Or, ces cafetiers, sont en réalité très pluriactifs. Ils sont parfois cultivateurs, parfois tisserands, parfois aussi donneurs d'ordre pour diffuser une activité textile, etc. Donc en réalité, il est très difficile de les percevoir. Dans la liste des 18 dont je vais parler, il y en a un qui est géomètre et cabaretier. Encore rien n'est incompatible. Cet angle de l'institution municipale permet aussi, du fait de l'administration conservatrice de la fin de la Deuxième République et celle soucieuse de garantir le maintien de l'Empire après 1851, eh bien de connaître la composition des conseils municipaux, et notamment en 1853, des commentaires d'ordre politique sont faits. On demande au maire de dresser un tableau des conseillers municipaux et celui-ci ne se prive pas de quelques commentaires assez acerbes. Ceux-ci vont nous servir pour évoquer et pour retrouver la trace, ces traces finalement très ténues, de ces édiles républicains et cabaretiers. La compétition électorale et les conditions d'exercice du pouvoir municipal peuvent à maintes reprises aussi révéler des opinions et des actions politiques, et donc on en retrouve quelques traces là aussi ténues dans les affaires portées en justice correctionnelle, soit pour soupçon de fraude, soit pour outrage à magistrats municipaux, que ce soit de la part d'édiles ou bien de cafetiers en dehors même du conseil municipal. Croisées à la surveillance propre au cabaret, ces affaires laissent donc deviner quelques cafetiers, aubergistes, cabaretiers, débitants de boissons, dont l'action se dessine dans l'affirmation de leur conviction républicaine sous la Deuxième République et puis dans l'opposition sous le Second Empire. Cet arrondissement de Villefranche, je vous le présenterai rapidement pour le localiser. On est dans le département du Rhône, c'est la partie qui est représentée en vert sur la carte, à faible distance de Lyon, puisque la partie sud de l'arrondissement est vraiment à quelques kilomètres de Lyon. On entend même en juin 1849 le son du canon depuis les hauteurs de ces villages du canton d'Anse, dont on reparlera plus tard. Et puis c'est un espace géographique qui est relativement divers dans sa composition socio-économique et son organisation au niveau de l'activité agricole. On trouve les marges à l'ouest, et au nord du massif central, donc une zone montagneuse que l'on appelle le Beaujolais, une activité agricole qui se trouve en partie complétée par une activité textile, tandis que dans la vallée de la Saône, eh bien, on est dans le Beaujolais viticole, et donc on a des terroirs totalement différents. Et puis on a un axe nord-ouest-sud-est qui vient traverser cet espace et qui permet d'organiser les mobilités dans cet espace. Je vous propose d'aborder la question sous trois angles. La première chose, c'est quels sont ces hommes turbulents et ces cabarets, lieux de toutes les perditions. C'est en tout cas cette manière-là que, dans cette manière-là que les désigne l'administration conservatrice à certaines périodes. C'est de se poser la question aussi de cette surveillance qui paraît et qui pourrait être accrue, les connaissant, les ayant été identifiés, pardon, mais est-elle efficace cette surveillance? Et enfin, de voir qu'il y a le maintien d'une opposition républicaine au village, du fait notamment de l'inefficacité de cette surveillance. Donc tout d'abord, en ce qui concerne ces hommes turbulents, je voudrais commencer avec un cas qui se situe dans le nord du département. On est à Ourou, commune du Haut-Beaujolais. En 1853, Claude Chambru et son auberge paraissent avoir soufflé un vent républicain et mettre en place une opposition durable, même si lui-même meurt très, très rapidement. À travers les différents documents qui le concernent, on arrive à restituer et reconstituer le parcours depuis 1848. Claude Chambru se serait livré au printemps 1848, alors normalement l'événement se produit en mai de chaque année, il aurait fait un tapage assez bruyant lors de la location des bancs et n'aurait pas manqué, ou fait en tout cas donner la consigne de faire rouer de coups un fabricien du nom de Benoît Dumoulin à l'occasion de cette location des bancs, si bien que celle-ci est retardée, reportée et les places se vendent moins chères qu'à l'accoutumée. En juillet-août 1848, il est élu conseiller municipal, c'est la première fois, il est extrêmement jeune, il est né en 1822, c'est très rare qu'on ait des conseillers aussi jeunes, et dans la foulée, il est élu par le conseil municipal adjoint. Depuis au moins décembre 1848, travaille dans son auberge un homme, François Large, ouvrier boulanger, puisque l'auberge a de multiples portes et de multiples activités, et cet homme a épousé la veuve de son demi-frère, et donc c'est à la fois une complémentarité professionnelle et familiale qui se met en place entre ces deux hommes, mais aussi une complicité d'ordre politique, et cet homme, on l'apprend, à travers un dossier judiciaire qu'il porte les surnoms de l'Afrique, l'Africain ou Cavaignac. En 1850, le préfet, dans un registre qu'il tient sur l'ensemble des conseillers municipaux, des maires et des adjoints, indique qu'il a les mêmes opinions que le maire, dont il suit la trace. Il faut préciser que le maire est présenté alors comme un notaire exproprié, aux opinions très mauvaises, à la merci de tout ce qu'il y a de moins bon dans la commune. C'est avec le dossier très copieux de l'instruction d'un assassinat qui se produit dans la nuit du 17 au 18 janvier 1852, à Ourou donc, le corps d'un homme est retrouvé sur les marges de l'église, que commence l'enquête de savoir qui a pu participer à cet assassinat, et au gré de cette recherche, on a un peu plus d'informations sur les auberges, et notamment sur celle de Claude Chambru, qui se dessine. Si dans un premier temps, 2 à 3 hommes sont accusés, à partir du 28 avril, plusieurs dépositions relatent des propos de tiers qui accablent Claude Chambru, et l'information contre 2 à 3 hommes est alors élargie à tout auteur ou complice de l'assassinat, et le 5 mai, Claude Chambru est suspendu, puis révoqué de ses fonctions d'adjoint, soupçonné d'avoir participé ou d'être complice dans cet assassinat. Le préfet, à l'occasion de la demande de révocation qu'il adresse au ministre de l'Intérieur, signale cette mesure qui justifierait seule, que justifierait seule l'incompatibilité morale existant entre la fonction municipale et la profession de cabaretier qu'exerce M. le sieur Chambru, a été déterminée par la grave accusation que la voie publique fait peser sur lui, celle de complicité dans un assassinat dans la commune d'Ourou, dont la commune d'Ourou vient d'être le théâtre. Le 11 mai, il est interrogé, plusieurs témoignages visent à établir si l'assassinat aurait eu lieu dans son auberge et s'il aurait contribué à déplacer ensuite le corps. Son ex-apprenti boulanger, avec qui il est fâché manifestement, le charge, il l'accuse de l'avoir menacé pour en savoir trop à cette occasion. Néanmoins, l'ensemble de cette affaire se tarit d'elle-même, les poursuites sont abandonnées, aucun coupable n'est formellement identifié, et nous restons sur un champ d'annotations, d'ordre politique notamment, qui émerge grâce à ce dossier. Alors il n'est pas le seul débitant à être identifié comme exerçant des fonctions municipales, élu en 1848 ou bien en 1852, et faisant l'objet de mentions politiques, contraires au régime impérial en 1853, voire révoqué en décembre 1851. Ils sont au moins 18 débitants qui exercent donc des fonctions municipales et qui font l'objet de ces annotations allant d'une opinion avancée, homme d'ordre, Alors, pour la petite anecdote, Claude Chambru est déjà décédé quand le tableau est fait, mais on n'oublie pas de préciser qu'il était rouge et un opposant notoire, comme quoi, même dans la mort, il représentait un danger manifestement. Deux hommes sont révoqués aussi de Cabaretier en décembre 1851, dans la foulée du coup d'État. Renaud Guillard, exerçant à Bagnoles, 31 ans. Il fait partie avec l'autre révoqué, Antoine Guy, 70 ans, à Marcy, d'un réseau rouge dont je vous affiche une partie de ce que j'ai pu mettre au jour. Ceux qui apparaissent en noir, ce sont des conseillers municipaux. Ceux qui sont en bleu ont participé à la destruction d'un télégraphe à Marcy. Ils ont des liens plus ou moins étroits avec l'ensemble de ces personnes-là. Ils exercent des fonctions municipales néanmoins. Et Renaud Guillard, qui est à Bagnoles, est révoqué, ayant fréquenté Chardonnay récemment. Or, Chardonnay, c'est l'un des attaquants du télégraphe, et il est condamné contumace, ce qui ne l'empêche pas de rencontrer régulièrement des personnes dans cet espace. Antoine Guy, à Marcy, lui aussi, il est révoqué. Il est révoqué pour s'être fait remarquer pour ses opinions démagogiques. Deux hommes, donc, sur l'ensemble de l'arrondissement, Cabaretier, qui sont révoqués. Quelques autres, mais on les compte pratiquement sur les doigts des deux mains. Donc c'est une répression relativement faible, voire très faible, dans cet espace-là. Alors on peut se poser la question, est-ce que ces lieux et ces hommes font l'objet d'une surveillance particulière? Après tout, ils ont été identifiés par le préfet, le sous-préfet, par le maire, donc on pourrait s'attendre à une surveillance particulière. Je crois que vous avez déjà évoqué la question des surveillances, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais dès décembre 1851, les débits de boissons sont davantage contrôlés quant à leurs horaires d'ouverture. Dans les cantons du Bois-Douin et de Montsol, à titre d'exemple, les procès-verbaux de simple police auprès de la justice de paix permettent de mettre en évidence que les tournées de gendarmes se réalisent et que dans la même soirée, ils verbalisent quasiment tous les débitants d'une même commune. Le contrôle s'effectue aussi sur l'entrée en activité par la demande d'autorisation d'ouverture. La fermeture administrative peut aussi intervenir. Donc il y a des éléments de contrôle, il y a la possibilité d'intervenir sur ces lieux qui pourraient être considérés comme contraires au régime. Et puis il y a aussi les maires qui sont mis à contribution pour cette surveillance de deux manières. Ils doivent répondre à des enquêtes. Dans le Rhône, il y en a au moins deux. Une en 1852 où les maires sont amenés à faire un commentaire d'ordre politique ou d'ordre moral s'ils le souhaitent. Et puis l'autre en 1868 où la liste est purement nominative, sans annotation particulière, autre que leur désignation et la présentation de leur débit de boisson. Et puis ils sont chargés en partie de la surveillance des cabarets qu'ils peuvent exercer eux-mêmes, qu'ils peuvent déléguer à leur adjoint ou encore à leur garde-chambre. Alors que deviennent les cabaretiers aubergistes qui ont été mentionnés comme dangereux, ces 18 hommes? Eh bien Claude Chambru, le soir de l'assassinat, a mangé avec les gendarmes à 8h, puis il a recommencé entre minuit et 1h du matin, heure à laquelle le cabaret est censé être fermé, comme quoi c'est un moyen, ni plus ni moins, que de faire en sorte que les gendarmes ne verbalisent pas en les invitant à manger. À vous. L'adjoint chargé de la police fait le tour des cabarets le jour des élections municipales en 1852. L'un des clients du cabaret de Jean-Claude Vermorel, dont l'opinion et la conduite sont mauvaises, lui lance « Que venez-vous chercher ici? Vos hommes n'y sont pas, retirez-vous. » Que d'autres relatent comme « Que viens-tu chercher ici avec ton René de Vauxonne ?» René de Vauxonne étant le maire qui avait été élu en 1848 et que le Second Empire renouvelle et nomme en 1852. À Bagnoles, où Renaud Guillard avait été révoqué en décembre 1851, le maire dresse la liste des débitants comme tous ses autres fonctionnaires municipaux. Et là, quand il fait sa liste, il conclut « Les propriétaires de ces établissements sont d'une moralité sans reproche. Soit ils ne perçoivent pas la dimension politique, soit ils ne voient pas le lien entre l'enquête qu'on lui demande et les opinions politiques où René Guillard s'est rangé en quatre mots. » Enfin, si l'on cherche sur les listes des débits de boissons de 1868, ça ne marche plus. Pourquoi il n'y a plus ? En 1858, pardon. Là, je vais. Voilà. En 1868, si on prend la liste de ces 18 débitants et qu'on les recherche dans la liste établie par la police chargée du contrôle des cabarets, eh bien, sur ces 18 édiles, il y en a 7 qui figurent encore sur la liste de 1868, donc ils n'ont pas fermé. Leur activité est toujours en cours. Si ce ne sont pas eux-mêmes qui l'exercent, ce sont leurs fils ou gendres qui l'exercent. Il y en a un qui n'est pas recensé sur la liste qu'établit le maire de Saint-Igny-de-l'Air, et pourtant il est encore en exercice. On le trouve dans les recensements en 1866 et en 1872. Cinq autres sont décédés avant cette date de 1868 et leur activité a été maintenue jusqu'au bout. Un autre est décédé sans que du fait de son âge, ça me paraît très probable, mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est le géomètre. Et enfin, j'ai deux absents, deux personnes que je n'ai pas trouvées. Et il n'y a finalement qu'une cessation d'activité qui est liée à une fermeture administrative certaine et une autre qui est supposée, mais ça pourrait être aussi la fin d'une activité commerciale comme tant d'autres, entre 1851 et 1856. Donc sur ces 18 hommes dits dangereux aux opinions mauvaises, etc. de 1853, finalement il n'y en a qu'un seul qui est inquiété par son activité professionnelle. Ces hommes se sont-ils rangés, sont-ils considérés comme peu dangereux ou bien la surveillance se révèle-t-elle peu efficace? En tout cas, dans ce milieu rural, par leur profil social, ils sont relativement difficiles à atteindre. Ils ont une assise sociale de plus en plus importante, ils prêtent de l'argent de façon très importante, ils disposent d'une manne financière, et ces prêts aux uns et aux autres peuvent être aussi gages de sécurité pour eux. Et les maires sont très récalcitrants à les pénaliser d'une manière ou d'une autre. Alors, ils participent au maintien d'une opposition républicaine au village. En 1852, des élections sont organisées. Claude Chambru, on le retrouve parce que, en tout cas, n'étant plus menacé par cette affaire d'assassinat, eh bien, il se montre très actif avec François Large, dit l'Africain toujours. Il est accusé d'avoir parcouru le jour des élections le bourg, d'avoir entraîné des électeurs dans son auberge où il tenait table ouverte, de les avoir accompagnés jusque dans le corridor de la salle de vote. Et un de ses alliés serait là pour vérifier les bulletins. Il n'aurait pas manqué de vociférer à l'accueil au moment du dépouillement pour contester les voix d'un adversaire et pour faire accepter l'un de ses proches dans le conseil municipal. Une plainte pour manœuvre frauduleuse est déposée, hein, ces détails-là sont connus de ce fait-là, en tout cas lui sont-ils attribués. Les manœuvres frauduleuses sont l'objet d'une plainte déposée par Benoît Dumoulin, le fabricien roué de coups en 1848, et cette plainte est rejetée. Quelques jours après les élections, le conseil municipal convient de la composition d'une délégation pour se rendre à Lyon. Étant donné les distances, la population qui aurait pu venir sur passage du président ne peut pas se déplacer si loin. Une délégation se constitue. On pourrait s'attendre à ce que ce soit le conseil municipal. Il n'en est rien. Dans cette délégation d'une quinzaine de personnes, on trouve quelques conseillers municipaux, 8 exactement. On trouve aussi des personnes extérieures, dont Benoît Dumoulin. Et quand on regarde parmi les conseillers municipaux, on s'aperçoit que Claude Chambru n'en fait pas partie et que l'un de ses co-accusés pour manœuvre frauduleuse non plus. Et peut-être que les deux autres noms correspondraient aux deux élus qui, selon Benoît Dumoulin, ont été patronnés par eux et qui ne manqueront pas de se tourner vers eux pour le citer. Alors si je reviens à Marcy, Antoine Guy a beau avoir 70 ans, il a beau avoir été révoqué, rien ne l'empêche d'être à nouveau, comme Claude Chambru, réélu en 1852. Et à sa suite, et avec lui, ce sont 9 personnes de l'opposition qui sont élues, alors 9 sur 10, la commune de Marcy est petite. Donc le maire se sent particulièrement seul, et voilà les commentaires qu'il met sur l'ensemble. Je précise que Jean-Louis, qui apparaît à droite de votre écran, est lui aussi cabaretier. Il a servi à boire aux personnes qui sont venues pour détruire le télégraphe en 1849. Il n'a pas du tout été inquiété à l'occasion, son cabaret n'a pas été fermé. Il peut se présenter aux élections, être élu et sans problème. Jean-Claude Vermorel, dont l'auberge a été un des clients de l'auberge, avait vertement renvoyé l'adjoint le jour des élections. Eh bien, Jean-Claude Vermorel se maintient de manière continue au conseil municipal. Il est élu en 1870, il est réélu en 1871, il est remplacé lorsque les maires sont nommés en 1874, réélu en 1876, révoqué en 1877, parce que, oui, bien sûr, il affiche le bulletin des lois avec les discours voulus, mais il s'en livrerait à une lecture ironique et le sous-préfet indique qu'il ferait le panégyrique de M. Gambetta. Et il ne reconnaîtrait que le gouvernement occulte de dont M. Gambetta est le chef. Le sous-préfet ajoute son post-scriptum à la lettre qu'il adresse au préfet pour demander la révocation. Le maire de Vaux est cabaretier. Il a contre lui la moitié de son conseil municipal et la moitié de la commune. Sa révocation serait très bien accueillie par tous les conservateurs qu'il cherche à terroriser, conservateurs qui manifestement sont en minorité étant donné les grands chiffres obtenus au moment des élections. Au-delà des tenanciers eux-mêmes, se pose la question des auberges comme lieu d'opposition et donc il est alors difficile de déterminer si ce sont uniquement les colartiers eux-mêmes qui organisent cette activité ou si les clients peuvent par eux-mêmes prendre l'initiative. Alors j'aurais bien voulu revenir sur l'auberge de Claude Chambru, il est mort, mais pour autant il y a des habitués qui continuent à y aller. On trouve notamment le maire de 1848, ce fameux notaire exproprié, dont les idées étaient très opposées au régime, qui se retrouve à la même table que Jean de Villene, dont la famille est acquise aux idées républicaines, comme le montrent les élections de 1870. Or, il y a un dossier de société secrète qui est élaboré parce que leurs propos ont été écoutés et qu'à cette occasion, eh bien, il y aurait eu des paroles malheureuses. Jean de Villene aurait parié un repas à 3 francs à chacun des membres autour de la table, comme quoi le gouvernement serait tombé dans les 2 ans, on est en 1854, et que les sociétés secrètes, certes, ne se réunissaient plus, mais que l'on continuait à échanger, non plus par écrit, cela était trop dangereux, mais en se donnant la main. On retrouve ici toute la surveillance occulte et relativement informelle auquel se livre l'administration, parce que celui qui relate les faits, eh bien, c'est un ancien sergent qui se retrouve à revenir dans la commune d'Ouroux, à devenir marchand épicier, et qui ne manque pas de relater ces faits-là à un autre de ses anciens collègues, l'ex-sergent de ville aussi, et qui est devenu commissaire de police du canton voisin. Autre affaire qui apparaît, et je suis désolée, je n'ai pas le temps de l'évoquer en détail, en 1866, à Marnan, eh bien, il y a une caricature qui est affichée sur un pilier de l'église. Cette caricature est là pour dénoncer le pouvoir municipal, le maire par lui-même, hein, représenté sous la forme d'un âne, tiré par un curé. Ce curé étant probablement, enfin on ne sait pas s'il est fidèle physiquement par le dessin à celui qui exerce, mais en tout cas on reproche au maire d'être trop proche du curé. Or, ce dessin-là, par l'ensemble des documents qui ont été réunis autour de lui dans le dossier d'outrage pour fonctionnaires municipaux, eh bien, permet de montrer le rôle qu'a joué un cabaretier, et le fils de celui-ci surtout, qui se trouve donc impliqué. Donc, et un autre cabaretier d'ailleurs, le dessin aurait été réalisé à l'occasion de rencontres de buveurs, c'est ainsi que le présente le maire, et ces buveurs auraient constitué ce document sur lequel on retrouve la main de plusieurs personnes. Alors en conclusion, on peut s'apercevoir qu'on peut être dans l'opposition et avoir remarqué par ses opinions républicaines en 1853 sans pour autant être très menacé durant le Second Empire. Ils ont peut-être, eux, parmi d'autres, et ce ne sont certainement pas les seuls, contribué au maintien d'une opposition. Et c'est peut-être ça aussi qui explique qu'en 1870, alors qu'en 1848, l'arrondissement des Franches avait été très sage au niveau des élections et du fonctionnement municipal, qu'en 1870, de nombreuses communes se voient dotées d'une commission municipale constituée de républicains de manière informelle avant que le pouvoir reprenne la main et mette en place des commissions officielles à l'automne 1870. Merci.